Jean chapitre 8, versets 1 à 11, je lis du verset 3 au verset 5. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu ?» Dans ce chapitre 8 de l'Évangile selon Jean, une femme surprise en flagrant délit d'adultère est sur le point d'être lapidée. Elle est amenée à Jésus et devient une illustration de ce qui est écrit en Jacques 2, le verset 13, « La miséricorde triomphe du jugement ». Examinons le parcours de cette femme en trois points. 1. Flagrant délit. 2. Accusation. Et 3. Miséricorde. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Tu nous as sauvés. Par ta mort sur la croix. Vous écoutez « Rencontrer Jésus-Christ, vivre ». Ceci est un enseignement de préparation au séminaire « Métanoïa », transformé à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Le séminaire « Métanoïa » est une invitation à rencontrer Jésus-Christ et à expérimenter la transformation par laquelle il divise toute histoire humaine en un avant Jésus-Christ et un après Jésus-Christ. Les enseignements de préparation à ce séminaire et à d'autres séminaires sont téléchargeables gratuitement sur le site www.epplaparole.com. Ces ressources ne peuvent être vendues. Toutefois, vous pouvez les reproduire, les distribuer et les diffuser gratuitement, sans les tronquer et sans les modifier. Je suis Marie-Laure Braga et revoici Paul-Julien Braga pour la suite du message. Bonne écoute! Alléluia. Alléluia. Alléluia. 1. Flagrant délit. La conscience du péché fuit la lumière de Dieu. En fait, elle fuit toute lumière. Adam, fuyant la présence de Dieu après son péché, dit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Genèse 3, verset 10. Et Jésus parle du jugement du péché, disant « Ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal hait la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. » Jean 3, versets 19 à 21. Voici donc cette femme brutalement arrachée à l'obscurité de ses passions secrètes et exposée à la lumière sans merci du regard des disciples de Moïse. Il est encore tôt ce matin, mais déjà Jésus enseigne les foules dans le temple. Le groupe de scribes et de pharisiens accusant la femme fait irruption avec elle et la place au milieu du peuple. Cette femme connaît-elle Jésus? L'a-t-elle déjà entendu prêcher l'évangile de Dieu disant « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Marc 1, versets 14 à 15. Peut-être qu'elle n'a jamais entendu cet appel à la repentance et à la foi en Dieu. Et si elle l'avait entendu, serait-elle venue librement et volontairement à la lumière de Christ pour changer de vie? Que se passe-t-il dans sa tête maintenant? On peut imaginer qu'elle ait des regrets. Mais regrette-t-elle d'avoir commis l'adultère ou regrette-t-elle seulement de s'être fait surprendre en flagrant délit? Une chose est sûre, elle doit rougir publiquement de ses œuvres et faire face à la mort selon ce que dit Romains 6, 20 à 21. Il est écrit « Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. » Car la fin de ces choses, c'est la mort. Et cette femme n'a apparemment aucune possibilité de fuir ses accusateurs. En plus, elle comparaît devant Jésus dont il est écrit « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Hébreux 4, verset 13. Les hommes l'ont surprise en flagrant délit, mais celui devant qui elle comparait connaît ses œuvres depuis toujours. 2. Accusation. L'accusation est formelle. Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telle femme. Toi donc, que dis-tu? Les accusateurs ont certes des intentions cachées contre Jésus, mais cette femme pourrait-il laisser la vie? Ils auraient ainsi fait d'une pierre deux coups. Jésus leur répond, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » La conscience du péché fuit la lumière de Dieu. Les accusateurs sont accusés par leur conscience. Ils se retirent tous, un à un, et laissent la femme seule. Un seul homme est en face d'elle. Il est la lumière véritable, le seul qui peut la condamner et lui jeter la pierre. Que va-t-il faire? 3. Miséricorde. Jésus-Christ, le seul qui aurait pu condamner et lapider la femme, est aussi le seul à pouvoir lui pardonner son péché et lui sauver la vie. Et que se passe-t-il? Ce que Paul décrit en Éphésiens 2, les versets 1 à 5 au sujet des rachetés, est ce qui arrive littéralement à cette femme. Il est écrit, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. » Plus loin, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Ainsi, cette femme était vouée à la mort à cause de son péché. Elle a été amenée malgré elle devant le Seigneur. Elle s'est tenue devant lui telle qu'elle était, coupable. Il a repoussé ses accusateurs et ôté la condamnation qui la menaçait. Puis il l'a renvoyée vivre. Vivre libre du péché. Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus, dit le Seigneur à la femme. Et vous, acceptez-vous de venir à Jésus-Christ comme vous êtes pour vivre désormais libéré du péché? Alléluia. Alléluia, alléluia. Vous venez d'écouter Rencontrer Jésus-Christ, vivre. Ceci est un enseignement de préparation au séminaire Métanoïa, transformé à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Le séminaire Métanoïa est une invitation à rencontrer Jésus-Christ et à expérimenter la transformation par laquelle il divise toute histoire humaine en un avant Jésus-Christ et un après Jésus-Christ. Les enseignements de préparation à ce séminaire et à d'autres séminaires sont téléchargeables gratuitement sur le site www.epplaparole.com. Ces ressources ne peuvent être vendues. Toutefois, vous pouvez les reproduire, les distribuer et les diffuser gratuitement, sans les tronquer et sans les modifier. Vivez transformé au nom de Jésus-Christ.